Bonjour ou bonsoir, chers auditrices, auditeurs qui êtes branchés sur les ondes de la radio-télévision Isanganiro. C'est le moment de suivre l'émission Mosaïque, votre émission préférée. Aujourd'hui, le débat porte sur le manque de marché d'écoulement des produits vivriers, à savoir les fruits et légumes produits en abondance dans la plaine d'Olimbo du côté de la province Cibitoke. Les producteurs de ces fruits à cette province du nord-ouest du pays disent qu'avec la fermeture du poste de douane de Ruwa par le gouvernement du Burundi, disent qu'ils ont de la peine à exporter leur production vers Bugarama au Rwanda et vers Bukavu et Kamanyola en RDC. Ces producteurs qui travaillent à perte disent avoir contracté des crédits dans les banques et sont obligés de payer des intérêts qu'ils n'ont pas eu. L'on constate qu'au niveau multilatéral, dans la communauté de l'Afrique de l'Est et dans la CEPGL, le Burundi a privilégié un partenaire qui est la RDC. Pourquoi cela? Quelles sont les raisons politiques derrière? Quelles stratégies économiques qui sont derrière ce choix? Et est-ce que ces relations économiques avec la RDC remplacent celles qu'on a vues avant avec le Rwanda? La situation se présente ainsi au moment où, par exemple, le Burundi et la RDC ont récemment signé des accords bilatéraux portant l'ouverture des frontières, la construction d'un nouveau pont et l'envoi des forces de l'ordre burundaises dans le maintien de la paix à l'est de la RDC. Comment se portent les opérateurs économiques et producteurs des produits vivriers qui écoulaient les marchandises et leurs productions au Rwanda et RDC voisins avant la fermeture des frontières? Est-ce que les opérateurs burundais ont pu trouver des solutions d'exportation en RDC? Quelles sont les pertes au niveau des exportateurs et importateurs burundais depuis cette fermeture? Et a-t-il des compensations à travers le commerce avec la RDC? Quelles sont les pertes du côté du Burundi, surtout dans le trésor public? Qu'est-ce qui doit être fait pour assainir la situation économique entre les trois pays de la communauté économique des Grands Lacs et CEPGL? Quelle est la viabilité économique commerciale pour le Burundi à long terme s'il décide de fermer une frontière commerciale? Voilà quelques questions qui vont nous guider au cours de ce débat mosaïque qui vous a été préparé par la radio-télévision Isanganiro en collaboration avec Bénévolence à Grand Lac. Nous avons comme invité sur ce plateau Onésime Niyukuri, porte-parole du ministère du Commerce. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour, bonjour également pour ceux qui nous suivent et qui nous captent sur radio, sur télévision Isanganiro, mais aussi ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je suis avec Tshisekedi Mulamba, Congolais vivant au Burundi. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour, merci de l'invitation et je salue aussi les auditeurs comme les spectateurs. Je suis également avec Jean de Dieu Migirimana de l'Association du commerce transfrontalier en province Cibitoke. Bonjour à vous aussi et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour, merci pour l'invitation et bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur la radio, sur les ondes de la radio Isanganiro et la télévision et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Merci à la cabine du son. Je suis avec François Akimana. La prise des images est assurée par Innocent Ivonimana. À la réalisation, je suis avec Médard Nyonguru et à l'animation de ce débat, vous retrouvez Evariste Nzikobanyanga. Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque. Ouvrons ce débat par ce vox pop des producteurs des fruits et légumes en province Cibitoke qui ne trouvaient pas de marché d'écoulement suite à la fermeture des frontières. Nous avons de bonnes productions, mais nous manquons les marchés d'écoulement. Aller vendre au marché de Ngagara, c'est une perte totale. Nous avons connu des gains lorsque le poste de douane de Ruwa était encore fonctionnel. C'est à travers cette frontière qu'on parvenait à exporter nos fruits. Aujourd'hui, nous travaillons à perte pour ne pas abandonner notre métier. Et c'est aussi pour voir comment rembourser les crédits contractés au niveau des banques. Que ce soit en RDC ou au Rwanda, on allait vendre dans ces pays et l'on gagnait beaucoup de devises. Mais quand on va aujourd'hui dans des marchés locaux, on ne recouvre même pas le capital, avec le risque de vendre ses biens pour rembourser. Nous vendons à Bujumbura et là, on se heurte à d'autres commerçants comme ceux des tomates et on ne gagne rien. L'on devrait aller vendre dans nos frontières. Mais après, cette perte est totale. L'on est condamné à reprendre ses activités car on n'a pas de choix. Nous demandons au gouvernement de tout faire pour réouvrir les frontières, pour que nous puissions exporter nos productions et importer tout ce dont on a besoin. Comme ça, les pertes vont cesser au niveau de la sous-région. Nous demandons la réouverture de ces frontières pour que nous trouvions le marché d'écoulement et quoi nourrir nos familles. Nous demandons au gouvernement de tout faire pour rouvrir ces frontières, ce qui va nous permettre d'aller vendre pour générer des devises. Comment est-ce que, chers invités, vous interprétez les doléances de ces producteurs de fruits et légumes qui n'ont pas de marché d'écoulement pour leur production? Je fais le tour de table. Je commence par le porte-parole du ministère du Commerce. Comment est-ce que vous appréciez ces doléances de cette population de Cibitoke? Merci beaucoup et nos messieurs également les producteurs de la province Cibitoke qui ont contribué beaucoup dans la production des fruits et légumes pour cette saison. Mais ce que nous voulons dire ici, c'est que quand on parle de manque d'écoulement de marché, c'est ça où peut-être réside le problème ou bien mal compréhension. Mm-hmm. Parce que l'écoulement de marché, on peut écouler à l'intérieur du pays, comme on peut également écouler dans les marchés transfrontaliers ou dans les pays limitrophes du Burundi. Pour le moment, vous savez que en ce qui concerne la production des fruits et légumes, ce ne sont pas toutes les provinces du pays qui produisent de même manière. Alors, dans ce cas, il y a les provinces qui en ont besoin, où la population de Cibitoke ou les producteurs de Cibitoke peuvent écouler les produits dans ces provinces, que ce soit les provinces de Kayanza, les provinces de Ngozi, les provinces de Muyinga, même partout dans le pays où on ne produit pas aujourd'hui. Mais aussi, il y a d'autres pays limitrophes, comme la République démocratique du Congo, où la population peut écouler les productions, une fois que peut-être en ce qui concerne le marché local, ils voient qu'ils ont suffisamment écoulé les produits et qu'ils ont besoin d'exporter maintenant à l'extérieur du pays. Alors, pour les doléances, pour le moment, peut-être comme il y a une frontière qui est fermée, on peut comprendre pourquoi peut-être ils grognent, mais ils savent eux-mêmes pourquoi il y a eu cette fermeture. C'était pour leur sécurité. Et comme vous le savez, dans les derniers jours, vous savez qu'il y avait des pertes de vies humaines suite à des groupes qui ont malmené la population. Il y a des populations qui ont été décimées. Alors vous savez qu'un gouvernement responsable ou le pays ne peut pas laisser sa population se traîner comme ça. Ils doivent prendre des mesures pour protéger la population. Vous savez que le commerce et la sécurité vont ensemble. Tu ne peux pas continuer à commercer dans un endroit où vous voyez que la sécurité n'est pas garantie. Alors, des mesures doivent être prises pour protéger surtout la population, y compris même les producteurs et les commerçants. À les entendre, ils disent qu'ils ne peuvent pas concurrencer les producteurs d'autres provinces et ils préfèrent aller vendre en RDC ou au Rwanda. Normalement, si vous allez sur un marché, vous allez trouver certainement. Même en RDC ou au Rwanda, quand vous exportez là-bas, il y a d'autres produits en provenance de l'Ouganda ou bien en provenance de la Tanzanie. Tu ne peux pas dire que peut-être, comme je vais exporter en République démocratique du Congo, je ne vais pas trouver des concurrents. Mais c'est ça le marché, tu dois être concurrent et pour que tu puisses produire d'abord une grande quantité, mais aussi des produits de qualité pour pouvoir justement concurrencer les autres. Mais normalement, ici au niveau national, à l'intérieur du pays, nous savons qu'il y a des provinces où ces produits ne sont pas disponibles en grande quantité. Et peut-être ils disent qu'ils acheminent les produits à Bujumbura seulement, mais c'est pourquoi nous disons qu'ils peuvent trouver d'autres solutions pour acheminer les produits dans d'autres provinces où ils en ont besoin. besoin de ces fruits et légumes. Ils disent qu'ils vendaient avant la fermeture de la frontière du poste Rouroi, poste douane de Rouroi, puisqu'à l'extérieur, ils gagnent beaucoup. Le commerçant toujours cherche là où il trouve, je dirais, les moyens. Mais aussi, nous ne pouvons pas dire que quand il commerce ou bien il achemine les produits ici au marché local, il ne va pas vendre pour justement gagner. Il doit gagner. Le problème peut-être c'est quand on veut gagner plus un peu de temps. Mais ce que nous disons, normalement le commerce, ça doit être progressif. Mm-hmm. On doit commencer petit, mais on grandit comme ça. Et exporter, on comprend qu'ils peuvent exporter. Et même aujourd'hui, ils continuent d'exporter si d'autres frontières. S'il y a une frontière qui est fermée, le commerce doit trouver des solutions pour ne pas se laisser s'entraîner dans cette perte. Mais il doit chercher d'autres moyens pour pouvoir acheminer ses produits sur les endroits où il voit qu'il y a possibilité justement d'exporter, parce qu'on continue d'exporter, d'échanger des produits avec la République démocratique du Congo, y compris même d'autres pays, avec ce que je dis comme le reste du monde. Ce ne sont pas seulement la République démocratique du Congo, le Rwanda ou les pays de la communauté est-africaine. Justement, on est entré dans ces accords pour pouvoir échanger ces pays limitrophes. Mais on continue justement d'échanger avec d'autres pays, en dehors même du continent. En Europe, on exporte les fruits et légumes. En Asie même, on continue à exporter. Même en Amérique, les produits burundais sont acheminés là-bas. Alors, les commerçants peuvent trouver toujours des moyens pour accéder au marché auquel le Burundi a ouvert, surtout dans les accords bilatéraux, multilatéraux, comme vous l'avez dit, pour pouvoir permettre justement à la population ou aux producteurs, aux commerçants d'avoir des marchés plus larges où ils peuvent écouler les produits. Merci beaucoup, Onésime Niokouri. Je rappelle que vous êtes porte-parole du ministère du Commerce. Je suis avec Jean de Dieu Vikilimana de l'Association du commerce transfrontalier en province Chibitoke. Des doléances à Chibitoke. Les agriculteurs, les producteurs de fruits et légumes n'ont pas de marché d'écoulement. Est-ce vrai? Merci pour cette question. Les doléances des producteurs de fruits là-bas en province de Chibitoke sont bien fondées. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de marché d'écoulement. Ils cultivent pour un jour vendre leurs produits. Alors pour le moment, les marchés qui sont proches, c'est ici à Bujumbura. Les commerçants écoulaient leurs produits là-bas à Bugarama au Rwanda. Mm-hmm. Et c'est un marché qui est tout près de Rugombo. Mm-hmm. Il n'y a pas une distance de 20 km. C'est à peu près 17 km. Alors, comme le porte-parole du ministère du Commerce là dit que les producteurs peuvent aller vendre leurs produits dans d'autres provinces comme Kayanza, Ngozi, Muyinga et ailleurs. Ce n'est pas facile d'y arriver parce que ce sont de longs trajets alors que le petit commerçant porte ses produits ou ses marchandises sur la tête ou à bord d'un vélo. Alors il lui serait difficile d'accéder à ces marchés qui sont un peu loin de lui. Raison pour laquelle il prône pour que les marchés de Bugarama ou à Kamanyola puissent être fonctionnaires, puisque ce sont des marchés qui sont très proches de la province de Chibitoke. Tu as entendu que le gouvernement a pris cette mesure de fermer pour mesure de sécurité pour la population qui sont aux environs. Oui, oui, le gouvernement, bien sûr, doit prendre des mesures pour protéger sa population. Mais le commerçant a toujours besoin de voir où écouler ses marchandises. Alors, si on prend pour le Congo, c'est vrai, mais il est difficile d'y arriver. Signalons que les postes de Marambo et Buganda, jusqu'à maintenant, ne sont pas ouverts. Alors, quitter Chibitoke, passer vers Gatumba, c'est aussi une tâche difficile pour le commerçant. Voilà pourquoi nous demandons à ce qu'il y ait des marchés d'écoulement qui sont proches. Mmh. Merci beaucoup. Je suis avec Tshisekedi Mulamba, Congolais qui a vécu longtemps au Burundi. Les doléances des habitants de Chibitoke, ces producteurs qui sont frontaliers à la RDC et au Rwanda voisin aussi. Est-ce que ces doléances sont fondées? Bon, je crois que les producteurs de Cibitoke ont deux voies de solution. Soit ils cherchent à étendre le marché local en faisant des livraisons, en se redéployant vers d'autres provinces, soit ils cherchent un autre marché, par exemple vers les petites et moyennes entreprises. On sait bien qu'il y a des moyennes entreprises qui transforment les fruits en jus, en d'autres produits. Ils doivent frapper sur les portes de ces gens-là et voir s'ils peuvent vendre en grande quantité. Sinon, ils n'ont d'autre choix que de s'ouvrir le marché extérieur. On sait que Uvira et Bukavu sont de grands marchés. Par exemple, on sait que la population de Bukavu va se ravitailler au Rwanda. Même en petits produits, la viande, les saucissons, la farine, en grande partie la population de Bukavu passe la frontière pour aller acheter des vivres au Rwanda. Je crois que les producteurs de Cibitoke, qui sont frontaliers avec la RDC, peuvent créer ce marché-là. Il faut se rendre sur terrain et échanger avec les hommes d'affaires congolais, les producteurs congolais, et voir dans quelle mesure peuvent faire des livraisons à Bukavu ou à Uvira. À travers les gens de Dieu de l'ACT, Association du commerce transfrontalier, il dit que le corridor ouest, en passant par le poste de Gatumba, il est très difficile pour ces commerçants, ces producteurs de fruits et légumes à Cibitoke. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure ce couloir est difficile pour ces producteurs-là. Peut-être qu'il peut dire que c'est un détour. Quitter Cibitoke, passer par Gatumba pour aller faire des livraisons à Uvira ou à Bukavu. Il dit que c'est plus loin. C'est plus loin, mais il y a lieu de se mettre ensemble, faire des coopératives, créer des coopératives, acheter même un camion s'il le faut. Si on a un camion à sa disponibilité, on peut faire ce détour-là. Aujourd'hui, on sait aussi que là, il y a, à travers les montagnes à plein Gombo, la route est en train d'être étendue. On a commencé même à bitumer cette route-là. D'ici peu, je pense que ça, la distance entre Cibitoke, en passant par Kamanyola, là, et Bukavu-Cibitoke, ça serait une très courte distance. Merci beaucoup, Tshisekedi Mulamba, pour vos contributions. Je me retourne vers Onésime Niukuri, porte-parole du ministère du Commerce. Les habitants de Cibitoke et toute la plaine d'Olimbo grognent au moment où la RDC et le Burundi ont déjà lancé le régime commercial simplifié RECOS du COMESA. Comment RECOS vient aider dans le commerce transfrontalier? Oui, justement, depuis le 30 octobre de cette année, la RDC et le Burundi ont lancé officiellement le régime commercial simplifié du COMESA. Et c'est justement dans le cadre de l'accord commercial entre le Burundi et la RDC que ce régime commercial simplifié également a été instauré pour permettre aux commerçants transfrontaliers des provinces frontalières de la RDC pour pouvoir justement acheminer les produits dans ce pays limitrophe du Burundi. Je voudrais aussi signaler que ce n'est pas seulement dans le cadre du COMESA, mais le Burundi et la RDC, vous savez, ils sont pays partenaires de la communauté est-africaine. Et là aussi, il y a un régime commercial simplifié parce que quand on parle de régime commercial simplifié pour les petits commerçants, ce n'est pas seulement pour les provinces de Cibitoke, mais de Bujumbura, mais même les provinces de Cankuzo, les provinces de Kirundo, tous les pays, toutes les provinces limitrophes des pays transfrontaliers du Burundi. Ils peuvent faire le commerce transfrontalier. Mais justement, dans le cadre du régime commercial simplifié du COMESA, en fait, la population pense, ou les commerçants pensent que c'était seulement pour le poste frontalier de Gatumba. Mais c'est juste pour tous les postes transfrontaliers des provinces limitrophes de la République démocratique du Congo. Et ici, on parle de Rumonge, on parle de la province de Bujumbura et justement la province de Cibitoke, où cinq postes frontaliers seront justement rénovés et construits de manière moderne pour pouvoir permettre aux commerçants et surtout aux petits commerçants transfrontaliers de pouvoir acheminer les produits sans pouvoir justement passer par les tracasseries, mais aussi surtout en ce qui concerne l'inspection des produits, mais aussi le dédouanement, parce que pour le moment ils auront des certificats d'origine simplifiée, mais aussi la déclaration simplifiée pour le commerce à transfrontalier. Ils auront également des badges qui montrent justement que c'est un petit commerçant qui veut transporter ou commercer les produits à partir de la liste des 66 produits répertoriés ou dans le cadre du régime commercial simplifié et des produits qui ne dépassent pas un montant de $500. Vous voyez que normalement c'était pour permettre justement aux petits commerçants transfrontaliers de pouvoir continuer à acheminer ces produits ou bien justement faciliter ce qui est des procédures de passage par la frontière. Pour le moment, je pense que depuis le 30 octobre, les commerçants savent sur toutes ces frontières qu'on a dit, et là où ça fonctionne pour le moment, ils peuvent justement acheminer les produits à travers régime commercial simplifié, sans toutefois oublier que les autres commerçants, justement les grands contribuables, comme on les appelle, ils continuent également d'exporter les produits, mais pour le commerçant transfrontalier, il doit bénéficier du régime commercial simplifié. Alors, ce régime est venu pour permettre aux commerçants, surtout les petits commerçants transfrontaliers, de pouvoir quitter, de l'informer vers le formel. Oui, tout à l'heure, Jean Doudieu a évoqué ce manque de moyens pour pouvoir traverser. Quand est-ce que ces 5 postes vont rouvrir leurs portes pour que ces habitants de Chibutoke aient des facilités? La mise en œuvre des postes dépend d'autres initiatives qui sont dans le cadre du projet du commerce et d'intégration dans la région des Grands Lacs. Ce projet de facilitation du commerce et d'intégration dans la région des Grands Lacs a des composantes, notamment à ce qui est de la construction au niveau des infrastructures. Justement, il y a des routes qui seront construites, il y a des postes frontaliers qui seront également construits de manière moderne, y compris même ce qu'on appelle postes frontaliers à arrêt unique, où le commerçant, par exemple en provenance de la RDC, n'aura pas besoin d'être inspecté au niveau de la RDC, mais il va être inspecté au niveau des frontières du Burundi. Mm-hmm. Et le Burundi qui veut aller en République démocratique du Congo, il n'a pas besoin d'être inspecté ici au poste de Gatumba, mais de l'autre côté, de Kavimvira. Mm-hmm. Vous voyez que ça sera une facilité pour ça. Également, le port d'Ormonge, il sera également construit de manière moderne pour permettre justement aussi au niveau du commerce, mais aussi du côté de Vugizo, à Marambo, et aussi au niveau de la province de Chibutoke, surtout à Buganda, ces frontières qui ne fonctionnaient pas seront maintenant construites et ils vont alors permettre la population de pouvoir, surtout les commerçants, de pouvoir traverser ces frontières pour acheminer les produits dans les provinces de limitrophes ou rivières, justement faire ce commerce. Et à côté de cela, il y aura également des renforcements des capacités, que ce soit pour les commerçants, mais aussi en ce qui concerne les manières de commercer, les stratégies de pouvoir gagner au marché, mais aussi de façon, je dirais, qui peuvent permettre aux commerçants de pouvoir aussi consolider la paix au niveau de la région de Grand Lac. Parce qu'il y aura également des comités mixtes transfrontaliers. Mm-hmm. Par exemple, du côté de Marambo, il y aura un comité mixte, où ce comité du côté du Burundi et le comité au niveau du côté de la RDC, s'il y a une question où il y a une entrave ou un défi ou bien une barrière qui ne permet pas aux commerçants de traverser la frontière ou de pouvoir justement se déplacer sans problème, les deux comités vont s'asseoir ensemble pour résoudre ce problème. Du côté de Gatumba, c'est la même chose. Du côté de Lumonge, c'est la même chose. Alors, il y aura maintenant un comité central, je dirais, mixte maintenant de facilitation du commerce transfrontalier. Ça aussi, vous voyez que ce sont des initiatives liées à ce projet et qui va pouvoir permettre justement au régime commercial simplifié de fonctionner de manière effective. Mmh. Celui qui vous écoute peut se demander pourquoi le Burundi maintenant ouvre les frontières avec la RDC. Il pourrait dire que le Burundi va abandonner le Rwanda. Qu'est-ce que vous en dites? D'abord, le Burundi, le Rwanda, la RDC. Nous sommes tous des pays partenaires de la communauté est-africaine. Mmh. Et de la CPGR aussi. Maintenant, dans la CPGR. Et comme ça aussi. Comme ça, nous sommes pays membres. Mais toujours, il y aura des obligations que le pays doit, par rapport à la mise en œuvre de l'accord, que ce soit un accord commercial ou bien une intégration régionale. Quand même, cela, on ne dit pas qu'on est privilégié par rapport à un autre pays. Ce qui est problématique, c'est que, par exemple, dans la mise en œuvre ou au niveau de l'intégration, on voit qu'il y a un aspect qui n'est pas respecté, surtout en ce qui concerne la sécurité. Parce que pour chaque pays, la responsabilité de protéger la population, c'est vraiment un principe primordial. Dans ce cadre, le pays doit prendre toutes les mesures pour protéger la population. Aujourd'hui, si le Burundi a signé des accords bilatéraux entre dans le domaine du commerce ou de coopération entre la République démocratique du Congo et le Burundi, c'est de pouvoir justement permettre aux commerçants ou à la population de pouvoir s'épanouir dans tous les pays plutôt. Il peut y arriver que peut-être avant ces accords, le mouvement de la population ou des commerçants était peut-être compliqué. Vous savez que ces derniers jours, la population de la RDC se plaignait qu'il y a ici, sur la route de Gatumba, il y a beaucoup de barrières, barrières même non tarifaires. Mais aussi du côté de Bukavu, c'était la même grogne. Maintenant, ces barrières non tarifaires ont été levées. La population maintenant, que ce soit du côté de la RDC, il arrive à Bujumbura sans problème. Parce qu'on a vu que, et peut-être la question maintenant, c'est de faciliter le commerce. Comme nous sommes dans le cadre de l'accord commercial entre la République démocratique du Congo et le Burundi, il doit justement des préalables qui doivent être faits pour permettre justement la mise en œuvre de cet accord. Ce n'est pas dire qu'on a privilégié maintenant, ou bien qu'on a détourné le commerce. Non, on continue à commercer avec tous les pays, mais là où il y a des problèmes, ces problèmes doivent être résolus pour permettre justement que ce soit la population, que ce soit les commerçants de pouvoir justement traverser ou continuer à commercer avec ces pays. Mais sinon, nous sommes tous dans ces accords au niveau de l'intégration régionale, mais aussi de façon bilatérale. Il faut toujours voir que ce qu'on s'est convenu est en train d'être mis en œuvre. Merci beaucoup, Nézine. Jean de Dieu, tout à l'heure, Tshisekedi vous a appelé à vous mettre ensemble dans la coopérative pour pouvoir aller plus loin avec vos marchandises. Qu'est-ce que vous en dites? La coopérative, nous en sommes maintenant dans la coopérative. Mm-hmm. Mais ce qu'il oublie, que le petit commerçant a un capital très minime. Il ne va pas au-delà de $500. Alors, faire ces coopératives, on est dans les coopératives, mais il nous reste difficile à nous organiser pour, par exemple, mettre nos produits ensemble et aller les vendre ailleurs. Mm-hmm. Pourquoi cela? Parce que nous n'avons pas les moyens de conserver les produits qui périssent rapidement. Mm-hmm. Alors, c'est la raison pour laquelle il nous est difficile de nous mettre ensemble. Autre chose, les cultures, sinon les champs. Si, par exemple, on a un champ de tomates et qu'ils sont à maturité, on ne va pas attendre un autre qui a un champ qui n'a pas encore atteint la maturité. Alors, on va écouler directement ces produits. Mais si on a les stocks de conserve, on peut attendre puisque on est sûr que les produits ne vont pas pourrir. Là, ça pourrait passer. Voilà pourquoi on n'est pas en mesure de faire des coopératives pour, bien sûr, aller vendre nos produits ailleurs. Donc, le petit commerçant, quant à lui, quand il a ses produits, il va les transporter sur le marché découlément qui lui est facile à accéder. Peut-être que dans les dernières minutes de ce débat, vous allez lancer l'appel soit au gouvernement ou au ministère du Commerce. Mais tout à l'heure, Onésime Manioukou, du porte-parole de ce ministère, a tranquillisé que bientôt les frontières burundo-congolaises seront ouverte et tout le monde aura accès au marché congolais. Nous apprécions cette promesse du ministère du Commerce, mais avant d'y arriver, comment faire? Il faut que nous ayons nos moyens formés pour vendre nos produits qui sont déjà sur la maturité. Dans le Vox Pop des cultivateurs de Rugombo, ils ont indiqué qu'ils contractent des crédits dans les banques et qu'ils sont incapables de rembourser. Est-ce que cela est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai pourquoi? Un petit commerçant, il va, je dirais, planter les mangues, par exemple, ou les mandarines. Alors, ces produits demandent beaucoup d'engrais pour que le champ soit bien traité, afin qu'il donne un rendement meilleur. Alors, lorsque ces produits sont disponibles, le commerçant se heurte à un problème d'écouler leurs produits avant de les transporter dans les marchés de Bugarama et de Bukavu. Là-bas, on récoltait des devises. Mais ici, sur les marchés locaux, on va en flambeau. Et arrivé là, au Rwanda, après avoir vendu vos produits, vous préférez acheter d'autres produits pour venir les vendre ici, au Burundi. Alors, maintenant, ça ne se fait pas. Nous sommes imposés du marché. Alors, le marché qui ne nous avantage pas de plus. C'est la raison pour laquelle les producteurs grognent qu'ils perdent parce qu'ils ont contracté des crédits dans des banques et ils n'ont pas les moyens de rembourser ces dettes auprès des banques. Tu sais que Dimulamba, vous entendez les doléances de ces populations de Chibitoke. Vous appelez de se mettre dans des coopératives. Mais vous entendez que ce sont les moyens qui font défaut. Bon, après avoir suivi l'intervention de Jean de Dieu, moi je comprends que la population ou les producteurs de Chibitoke ont plus un problème d'encadrement qu'un problème de moyens. Nous savons que dans les écoles aujourd'hui, il y a un cours qu'on appelle entrepreneuriat au secondaire. Les élèves apprennent à créer des emplois. Et même le chef de l'État, dans plusieurs interventions, je l'ai suivi, quand il est avec les jeunes, il les interpelle à mettre à profit les fonds de la banque des jeunes. Je crois que cette banque-là est située à Gitega. Donc, il dit que les jeunes ont leur banque, mais il ne comprend pas pourquoi les jeunes ne vont pas chercher des capitaux dans cette banque-là. Et je crois que même le porte-parole du ministère du Commerce, parmi les voies et moyens qu'il a évoqués ici, il a parlé du renforcement des capacités. C'est toujours là l'encadrement dont je parle. Donc les producteurs ou les petits commerçants de Chibitoke devraient bénéficier d'un encadrement. Par exemple, les députés, quand ils sont en vacances parlementaires, je crois que quand ils rentrent dans leur circonscription, qu'ils réunissent la masse, qu'ils réunissent les jeunes et qu'ils leur expliquent comment ils peuvent écouler les produits vers des marchés extérieurs. Jean de Dieu a parlé d'un capital de $500 pour un commerçant, le petit commerçant de Chibitoke. Mais je crois qu'en se mettant en association, en coopérative, ils peuvent avoir $5,000, $10,000 comme capital. Et ça devient plus facile à rembourser à la banque que de travailler seul. Donc je crois que la solution la plus sûre, c'est de se mettre en association, de travailler en coopérative, et de ne pas avoir peur de prendre des crédits bancaires. Quand on a un grand crédit, c'est un investissement et si on s'ouvre vers l'extérieur, on va trouver un marché très vaste et c'est facile à rembourser. Tout à l'heure, le porte-parole du ministère a parlé du RECOS. c'est le régime commercial simplifié entre le Burundi et la RDC. Vous pensez que ça va apporter quelque chose pour les deux pays et les commerçants ainsi que les agriculteurs? Je crois que ça va rapporter quelque chose parce que le porte-parole a parlé de 66 produits qui rentrent dans ce régime-là. Donc quand l'État met en place ce genre de système, c'est pour faciliter la chose aux commerçants. Et lorsque les produits ne payent pas de taxes, les conséquences positives, ça rentre toujours chez la population productrice. Mmh. Et je crois que au lieu de payer des taxes et qu'on ne le paye plus, on bénéficie de la gratuité. Je crois que ça renforce le capital des producteurs et je crois que ça peut aller dans le sens d'étendre les activités commerciales et que c'est profitable d'un côté comme de l'autre. Oui, Tshisekedi Dimolumba, vous êtes Congolais vivant au Burundi. On remarque que la communauté des Grands Lacs CPG, il y a le climat qui n'est pas bon. Aujourd'hui, les relations entre le Burundi sont au bon fixe, mais entre le Burundi et le Rwanda, ces relations-là ne marchaient pas. N'est-ce pas une perte dans cette communauté CPG? Oui, je crois que c'est une perte. Alors là, vous comprenez que c'est une question politique qui a un impact, un impact sur la vie socio-économique des populations de ces trois pays. Donc la solution, je crois que les politiciens sont en train d'œuvrer pour trouver une solution par rapport à ça. Mais avant qu'on en arrive là-bas, il faut peut-être penser aux solutions à court terme. Les productions fruitières comme les ananas, la tomate, ce sont des produits très périssables. Ce sont des produits très périssables, alors là, il faut trouver des solutions rapides. Parce qu'un commerçant qui produit de la tomate ou des ananas, s'il n'arrive pas à vendre tout de suite, c'est déjà une perte. C'est pour cela que moi, je me dis que les commerçants, les producteurs doivent se déplacer, circuler, chercher d'autres marchés. Que les commerçants de Cibitoke aillent jusqu'à Bukavu, par exemple, et s'entretiennent avec des associations de commerçants de Bukavu pour voir s'ils peuvent facilement vendre dans ces marchés-là. Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque. Je rappelle à vous qui venez de nous capter en cours de route que vous suivez l'émission Mosaïque. Je rappelle que l'émission Mosaïque d'aujourd'hui vous a été préparée par la radio-télévision Isanganiro en collaboration avec Benevolentia Grand Lac. Nous avons trois invités, à savoir Onésime Niukuri, porte-parole du ministère du Commerce. Je suis avec Tshisekedi Dimolumba, Congolais vivant au Burundi. Je suis également avec Jean de Dieu Bigirimana de l'Association du commerce transfrontalier à Cibitoke. Au moment où les habitants de Cibitoke, surtout commerçants et agriculteurs, décrivent la situation dans laquelle ils évoluent sans marché d'écoulement au-delà de la rivière Ruhwa, l'on constate qu'au niveau multilatéral, dans la communauté de l'Afrique de l'Est et dans la CPGL, le Burundi a privilégié un partenaire qui est la RDC. Qu'est-ce qui doit être fait pour assainir la situation socio-économique entre les trois pays de la communauté économique des Grands Lacs CPGL? Onésime Niukuri, porte-parole du ministère du Commerce. Merci beaucoup. Mais avant peut-être de pouvoir dire qu'est-ce qui peut être fait, je voudrais juste apporter, je dirais, une solution par rapport à l'intervention ou aux contraintes des producteurs de Cibitoke. Normalement, dans la chaîne de valeur, que ce soit en amont ou en aval, il doit toujours y avoir des producteurs. Les producteurs peuvent ne pas avoir les moyens de transporter ces produits. Et alors, il doit y avoir un commerçant qui peut collecter cette production pour pouvoir acheminer ces produits sur les marchés disponibles. Ce que maintenant on évite, ce sont les spéculateurs ou bien les commissionnaires qui peuvent se déclarer entre le producteur et le commerçant. Mais il doit y avoir seulement une relation directe entre le producteur et le commerçant. Le commerçant, il peut ne pas avoir des moyens de transport, mais il y a celui qui a, je dirais, une petite minibus ou fuso pour pouvoir acheminer ses produits. Alors, ces populations peuvent se mettre justement en association, comme ils ont déjà une association, pouvoir collecter cette production qui est déjà prête pour être acheminée sur le marché. Alors, trouver d'abord des écoulements ici au marché local. Et après avoir peut-être vu que ils ont pu satisfaire le marché local, ils peuvent continuer maintenant à chercher le marché d'écoulement à l'extérieur du pays. J'ai compris que peut-être le souci, c'est qu'ils disent que s'ils exportent en RDC, ils vont vendre en dollars, et au Rwanda, ils vont peut-être vendre aussi sur un prix qui est un peu élevé par rapport au prix au niveau local. Mais les commerçants doivent savoir que on ne peut pas continuer seulement à évoluer dans ce genre des intérêts peut-être plus que, je dirais, patriotiques. Mm-hmm. On doit toujours comprendre que si le prix peut-être ici au niveau national est un peu est bas, ce n'est pas à dire que on n'avait pas voulu que on puisse justement augmenter le prix, mais c'est justement de pouvoir permettre à la population, par rapport à les coûts de production, de pouvoir continuer à s'approvisionner justement à la production nationale. Surtout que le gouvernement a pu subventionner certaines productions ou certaines cultures jusqu'à 60%. Vous comprendrez alors que dans ce cas, le gouvernement doit prendre des mesures pour permettre à la population de pouvoir accéder aux produits, aux moyens, je dirais, qui ne sont pas exorbitants. Tout à l'heure, tu sais que dit, parlait, il disait qu'il sous-entend pas le manque de moyens, mais pas d'encadrement. Oui, justement, l'encadrement, mais comme nous disons toujours, il faut, si les coopératives sont là, il y a justement les administratives, il y a aussi ces associations de commerçants transfrontaliers. Le premier objectif, c'est justement de pouvoir faire le plaidoyer, mais aussi de pouvoir se renforcer les capacités entre elles. Parce que si vous vous mettez dans une association ou dans une coopérative, c'est justement de pouvoir amener des solutions sur des problèmes qui existent. C'est pourquoi, à côté des renforcements des capacités que le ministère continue à faire, en se déployant dans toutes les provinces jusqu'au niveau des collines, pour pouvoir éduquer justement les producteurs de comment ils peuvent récolter, conserver, mais aussi exploiter ou acheminer les produits dans de meilleurs moyens, pour que les produits justement qui sont destinés sur le marché ne se trouvent pas avec, je dirais, des normes qui ne sont pas respectées, mais aussi de pouvoir alors acheminer les produits de qualité, surtout si vous êtes un commerçant transfrontalier, savoir est-ce que je suis dans la catégorie de la liste des 66 produits pour bénéficier de ce régime commercial simplifié. Ce sont ces informations qu'ils doivent avoir, mais surtout, quand même, nous sommes d'accord avec la proposition de Mulamba qui a dit que peut-être les élus du peuple, quand ils sont en vacances, ou bien peut-être ils peuvent continuer à éduquer également la population, mais aussi de les approcher pour savoir les difficultés qu'ils ont. Mais ça, c'est déjà dans les missions du ministère, de pouvoir toujours justement suivre ce qui se passe sur le marché, mais aussi les contraintes liées à l'écoulement des produits. Alors, par rapport à la question que vous avez posée, surtout, qu'est-ce qui doit être fait? Pour nous, normalement, le commerce, c'est comme une personne. Mm-hmm. Vous savez que quand il y a un fléau, quand il y a la guerre, et la santé de la population, il est affecté. Même pour le commerce, quand il n'y a pas de la consolidation de la paix au niveau de la région. On peut faire tous les accords plutôt. Et on peut prévoir des facilitations. Mais si la sécurité n'est pas garantie, si la sécurité n'est pas consolidée et la paix n'est pas justement consolidée au niveau de la région, il sera toujours difficile d'échanger des produits. Et normalement, dans le cadre du système multilatéral, le commerce, ça devrait résoudre le problème. Parce que tu as un intérêt dans mon pays, j'ai également des intérêts dans votre pays. Alors, il faut savoir que quand la paix n'est pas garanti, ou bien s'il y a des perturbations d'ici et là, et le commerce sera toujours perturbé et des mesures seront prises justement pour protéger la population et les commerçants. Dans ce cas, alors, il faut continuer à consolider la paix au niveau de la région des Grands Lacs, ce qui a déjà commencé, et il faut continuer pour asseoir justement une paix durable dans notre région. Les commerçants, justement, et les producteurs, il faut savoir, si une mesure a été prise et que ça est dans votre intérêt, il faut que vous respectiez cette mesure. Et souvent même, ce sont des mesures temporaires. Ce ne sont pas des mesures éternelles qui seront toujours là. Mais ce sont des mesures qui sont liées à une situation quelconque. Et cette situation, une fois sera résolue, et une fois résolue, la population continuera à vaquer à les activités de façon normale, mais aussi avec la sécurité garantie. Mm-hmm. Dans ce cas, alors, ils peuvent maintenant chercher d'autres stratégies. Est-ce que je dois toujours acheminer mon produit par rapport à une frontière, à travers une frontière qui est fermée? Justement, non. C'est-à-dire qu'on doit chercher d'autres moyens pour pouvoir exercer le métier et faire le saut commerce et pouvoir gagner même sans toutefois traverser par la frontière qui est fermée. Mm-hmm. Et au niveau, je dirais, des pays, les comités, il y a des comités qui continuent à asseoir ensemble pour voir comment résoudre des situations quelconques. Normalement, il faut que ces mesures soient prises de façon à permettre justement au pays de pouvoir justement sentir que la sécurité de la population est garantie. Mm-hmm. Je dirais que ce sont des mesures, une fois mises en œuvre, pourraient justement résoudre les problèmes qui peuvent exister aujourd'hui. Dans le cadre du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs, vous avez entendu qu'on doit toujours innover, mais aussi mettre en place des infrastructures adéquates pour permettre justement à la population qui traverse les frontières, mais aussi aux commerçants transfrontaliers, et y compris les petits commerçants et les grands contribuables, de pouvoir gérer, je dirais, résoudre les défis qui sont liés à la gestion du temps, mais aussi à des coûts liés à des procédures longues au niveau de la douane ou bien de la dédouanement. Une fois que ces infrastructures seront mises ensemble, seront mises en place, vous comprendrez alors que en ce qui est de la facilité du mouvement des personnes et des biens, vraiment nous sommes conscients que il sera justement dans l'intérêt de la population, mais aussi de ses commerces. Merci beaucoup, Jean de Dieu Begirimana. Vous êtes de l'association du commerce transfrontalier à Civitoke. Okay. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui concrètement pour que le commerce, pour que l'agriculture se déroule normalement dans la province de Civitoke okay, et apporte plus d'intérêt à la population? Avant de répondre à cette question, je peux dire quelque chose sur ce que Mulamba a dit. On dirait que les commerçants transfrontaliers ne sont pas informés sur la façon de faire leur commerce. Mais nous sommes informés sur comment faire le commerce, comment faire la transaction, comment payer les impôts, les taxes. Le commerce a tout fait pour expliquer aux petits commerçants ce qu'ils doivent faire. Alors on est informés. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de ces grands commerçants qui puissent venir acheter nos produits et aller les vendre, et même sur les marchés de Koulema. Nous n'avons pas ces commerçants qui peuvent le faire. Alors, comme nous n'avons pas ces commerçants, c'est la raison pour laquelle le COMESA a organisé des réunions pour sensibiliser aux petits commerçants comment ils peuvent faire leur commerce de leurs produits. Jusqu'à maintenant, ces grands commerçants, nous n'avons pas. Je ne sais pas à qui je peux demander cette question. Alors, pour répondre à votre question... Est-ce qu'à Chibitoke, il n'y a pas de grands commerçants? Les grands commerçants, il y a, mais leur commerce n'est pas orienté dans le marché des produits vivriers et des légumes. Ils vendent des matériaux de construction, le ciment, les fer à béton, et d'autres qui commercent les haricots, mais les grands commerçants qui puissent investir dans le commerce de produits vivriers comme les fruits et les mangues, il n'y en a pas. Tout à l'heure, on a évoqué, Moulamba a demandé que vous soyez encadré. Il a dit qu'il sous-entend le manque d'encadrement, mais pas le manque de moyens. Tu es d'accord avec lui? L'encadrement que nous avons pour le moment, c'est l'encadrement qui nous guide comment faire le commerce. Donc, les lois régissant le commerce transfrontalier. Alors, le commerçant ayant constaté que le petit commerçant, lui aussi, a droit de faire écouler ses produits, c'est la raison pour laquelle ils ont essayé d'organiser les petits commerçants pour les enseigner comment faire le commerce transfrontalier, soit en payant les taxes de douane, les impôts, et en abandonnant l'informel pour pratiquer le formel dans le commerce. Que ce soit Tshisekedi, que ce soit Onésime, ils ont appelé à vous acheter un camion, un véhicule, pour pouvoir acheminer ensemble vos productions vers la RDC. Alors, comment s'acheter son camion alors qu'on n'a pas les moyens? Même s'il n'a pas dit que ce n'est pas les moyens qui manquent, mais le grand problème, c'est les moyens. C'est la raison pour laquelle on nous appelle des petits commerçants. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais oui, peut-être qu'un jour, nous serons les grands commerçants. Alors, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui? Ce qui doit être fait aujourd'hui pour assainir, bien sûr, le commerce, d'abord, je demanderai à ce que dans nos trois pays, qu'il y ait un organe de consultance qui doit traiter les questions qui naissent immédiatement pour mieux faire le commerce sans problème. Et en ce qui est de la frontière entre le Burundi et le Rwanda qui reste fermée? En ce qui est de la frontière burundo-rwandaise qui reste fermée, et ça, c'est une question au niveau des hauts cadres du pays qui doivent s'asseoir ensemble et débloquer cette situation. Tu sais que dit Moulamba, dernier mot. Qu'est-ce qui doit être fait pour que vos voisins du Burundi, les voisins du Rwanda, les Congolais puissent se retrouver encore une fois et faire circuler leurs produits? Et je crois que les commerçants eux-mêmes ont la grande partie des solutions. Jean de Dieu a dit qu'il n'y a pas de grands commerçants qui viennent acheter des produits pour aller les revendre ailleurs. En ce cas-là, il faut maintenant aller chercher ces commerçants-là. Et vous avez un marché intérieur, par exemple, ici, vers les petites et moyennes entreprises. Il y a des unités de transformation des produits, comme l'ananas, pour en faire du jus. Donc, il faut aller frapper aux portes de ces unités là-bas, pour pouvoir vendre de grands stocks. Sinon, il faut se redéployer maintenant vers les marchés extérieurs. Et là, il faut d'abord aller découvrir les marchés qui se trouvent dans les pays voisins, à Bukavu, à Uvira, prendre des contacts, échanger là-dessus, voir ce qui peut être vendu ou ne pas être vendu, et mettre en marche ce genre de marché. Une petite question à Onésime Nikouri, porte-parole du ministère de Commerce. Il y a plaidoirie qui a été avancée par Jean de Dieu, Bigirimana de la CT Chibitoke. Ils évoquent un manque de moyens de conservation des fruits et légumes. Et c'est un problème national. Comment est-ce que le ministère compte faire? Cette question revient toujours et ça date de longtemps. Ils n'ont pas de moyens de conservation. Oui, ça, c'est une question que nous connaissons, ce problème. Mais comme je l'ai dit, dans le cadre du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs, au niveau des infrastructures, il est prévu même la construction des marchés transfrontaliers ici à Gatumba et à Rumonge. Dans ces marchés, il y aura la disponibilité ou la mise en place de ces chambres, je dirais, froides pour permettre justement aux commerçants transfrontaliers de pouvoir conserver les produits qui sont périssables. Surtout, vous voyez que vous pouvez aller vendre votre produit à travers la frontière, mais de retour, les produits n'ont pas été écoulés et vous voulez que ces produits ne périssent pas. Maintenant, ils auront alors ces endroits pour conserver ces produits. Pour le moment, nous savons qu'il y a des moyens traditionnels, justement, de la conservation des produits, mais aussi, c'est pourquoi nous appelons surtout les investisseurs. Ça, ce sont des défis qui existent, mais où les investisseurs peuvent investir les moyens pour pouvoir justement contribuer dans la conservation des produits. Alors, nous tranquillisons la population, que ce soit pour Dochivitoki, mais de façon générale, au niveau de l'aéroport international Melchior Ndadaye, une chambre frigorifique est déjà disponible pour pouvoir justement conserver les produits qui seront exportés de façon aussi au marché international pour que ces produits justement qui périssent facilement ne puissent pas être affectés mais qui doivent justement être exportés dans les meilleures conditions afin de pouvoir accéder sur le marché découvrement. Alors pour le moment ce sont des projets qui sont en cours et une fois mis en œuvre ces projets permettront justement à la conservation de ces produits et permettre justement à la population de ne pas recourir ou bien peut-être de ne pas subir des pertes liées au manque de chambres froides pour la conservation de ces produits. Et c'est sur ces contributions de nos invités que se referme ce débat, mais avant de le boucler, je remercie nos invités Onésime Niukuri, porte-parole du ministère du Commerce. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous remercions beaucoup pour nous avoir invités justement pour contribuer à informer la population en ce qui concerne le commerce transfrontalier, mais aussi de manière exhaustive sur les questions liées peut-être à l'intégration régionale au niveau des pays des Grands Lacs. Et nous serons toujours disponibles sur d'autres sujets d'intérêt commercial que vous voulez qu'on puisse contribuer de manière à informer la population, mais aussi de les sensibiliser sur l'existant, mais aussi sur les stratégies de pouvoir accéder au marché auquel le Burundi a ouvert ou à intégrer au niveau régional, continental, mais aussi international. J'étais avec Tshisekedi Mulamba, Congolais vivant au Burundi. Merci à vous aussi, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi plutôt de vous remercier pour m'avoir invité. Je remercie aussi les auditeurs comme les téléspectateurs pour nous avoir suivis. Merci beaucoup à Jean de Dieu, Wigilimana de l'Association du commerce transfrontalier à Tibitoke. Merci d'être venu dans Mosaïque. C'est moi qui vous remercie. À la prise des images, j'étais avec Innocent Bibonimana. François Akimana était à la cabine du son. Médar Niyonguru était à la réalisation, à l'animation de ce débat. Vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes. À la prochaine. Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque.